Devant le théâtre des variétés, une patrouille de gardes nationaux les arrêta. Louise dit tout de suite qu'elle allait avec sa bonne dans la rue Romfort chercher un médecin. On le laissa passer. Au coin de la Madeleine, elles rencontrèrent une seconde patrouille. Et Louise, ayant donné la même explication, un des citoyens reprit. « Est-ce pour une maladie de 9 mois, ma petite chatte ?»« Gougibo !» s'écria le capitaine. « Pas de polissonnerie dans les rangs !»« Mesdames, circulez !» Malgré l'injonction, les traits d'esprit continuèrent. « Bien du plaisir !»« Mais respect au docteur !»« Prenez garde au loup !»« Ils aiment à rire, remarqua tout haut Catherine. C'est jeune !» Enfin, elles arrivèrent chez Frédéric. Louise tira la sonnette avec vigueur, plusieurs fois. La porte s'entrebâilla et le concierge répondit à sa demande. « Non !»« Mais il doit être couché !»« Je vous dis que non !»« Voilà près de 3 mois qu'il ne couche pas chez lui !» Et le petit carreau de la loge retomba nettement comme une guillotine. Elle restait dans l'obscurité, sous la voûte. Une voix furieuse leur cria « Sortez donc !» La porte se rouvrit, elles sortirent. Louise fut obligée de s'asseoir sur une borne, et elle pleura, la tête dans ses mains, abondamment, de tout son cœur. Le jour se levait, des charrettes passaient. Catherine la ramena en la soutenant, en la baisant, en lui disant toutes sortes de choses bonnes tirées de son expérience. Il ne fallait pas se faire tant de mal pour les amoureux. Si celui-là manquait, elle en trouverait d'autres.